Le gouvernement français avait mis en place la surveillance d'Internet depuis 2009. Autrement dit, il était hors la loi puisque la loi avait été mise en place ensuite.